Adieu mon bel amour, par Martin Christian. Amour fou sans barrière, où le désir effleure l'épiderme, amour sans conscience, où le désir balance entre bonheur et extase, amour naissant sans limite de sens, qu'ils étaient beaux nos éclats de rire, ton regard complice qui dit oui, tes bras sans retenue autour de mon cou, et l'écho assourdissant qui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis est venu l'amour lent, mou, mourant, où l'épiderme de l'un donne la nausée à l'autre, l'amour sans confiance, où le désir nage dans un océan de pitié. Une main froide qui ne répond plus, la pression de l'index et la main se dénoue, un baiser sans chaleur effleure une lèvre qui dit non, un corps qui ne frissonne plus aux caresses de l'autre, amour déchu, où le royaume du beau se délite dans le chaos, amour sans valeur, où les sentiments laissent la place aux bijoux de pacotille. Un cri de douleur comme un cri d'amour, un je t'aime comme avant qui se perd dans le vide d'un regard froid, un écho muet qui trahit le cœur de l'autre, je ne sais pas, je ne sais plus, patience. Amour perdu, amour qui s'arrache au corps de l'un, où la plaie béante qui laisse à l'autre n'extirpe que des larmes et des lames pour toujours. Et puis l'espoir perfide, quand un sourire perle, l'espoir comme une oasis d'eau fraîche, pour un amour assoiffé perdu dans le désert du doute, et qui se volatilise aux premières caresses feintes. Amour abandonné, où celui qui reste se déchire sur les bas-côtés, amour sabordé, où le bateau de la vie prend l'eau, sentiment égorgé sous l'autel du temps ou de la jalousie, manège de trahison et de mensonges, de mots qui tonnent comme vomi, tourbillon de menaces, de souvenirs boiteux, ronde abrutissante de je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, amour agonisant, où la peau part en lambeaux, amour de reproche, où la rancœur se noie dans un lac de regrets. Nous ne finirons pas nos jours ensemble. Nous ne finirons pas nos jours ensemble. Nous ne finirons pas nos jours ensemble.